Et oui, les échangeurs d'air avec vous, on est de retour. De retour après avoir raté quoi, deux émissions pour des circonstances hors de notre contrôle. Voilà. Alors, ça commence aujourd'hui par Jean Cohen Solal et ça se termine par The Mamertones. Entre les deux, il y a plein de choses. Il y a même Leonard Cohen qui est là. Oui, oui, j'en fais. Puis Duncan Brown, je ne connais pas. John Wanderling, Tia Blake, Michael Chapman, Loudon Wainwright, lui on le connaît. Cornelius, il y en a qu'on connaît, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas vraiment. Mais on va voir, on va voir, on va voir parce qu'on commence là, là, là, là, là. Thank you. sunshine? Who in the nighttime? Who by high ordeal? Who by common trial? Who in your merry, merry month of May? Who by very slow decay? And who shall I say is calling? Lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling? child I left so long ago. And does she mind? Does she? Does she look at all like me? And please stop crying and wipe those tears away. I know she'll soon get to know me very well. My hand and walk beside me, and please stop your crying. There's no need for tears today. See my father coming riding many a mile. Father, have you brought me home, or have you paid my fee, or have you come to see me hanging from the gallows tree? I have not brought you hope, I have not paid your fee. Yes, I have come to see you hanging from the gallows trees. Slack your rope, hangman, slack it for a while. I think I see my mother coming riding many a mile. Mother, have you brought me home, or have you paid my fee, or have you come to see me hanging from the gallows trees? I have not brought you hope, I have not paid your fee. Yes, I have come to see you hanging from the gallows trees. Slack your rope, hangman, slack it for a while. I think I see my brother coming riding many a mile. Brother, have you brought me hope, or have you paid my fee, or have you come to see me hanging from the gallows trees? I have not brought you hope, I have not paid your fee. Yes, I have come to see you hanging from the gallows trees. Slack your rope, hangman, slack it for a while. I think I see my true love coming riding many a mile. True love, have you brought me hope, or have you paid my fee, or have you come to see me hanging from the gallows trees? I have not brought you hope, Yes, I have paid your fee. Yes, I have come to see you hanging from the gallows tree. Sunshine was the name that I gave her, 'cause she turned my winter into spring. Now she's turned my old summer into autumn, and left me with no song to sing. She's taken all the laughter and the music, and left me with no song. Some strange and foreign household, sleeping only as the dawn begins to rise, saying goodbye in the morning on the highway, trying to hide what's going on behind my eyes, and smiling as I light just one more cigarette, trying to hide what's going on behind my eyes. Of the eventime I miss her, listening to sounds she used to make, remembering the smell of her perfume, and floating dying flowers across the lake, and waiting for the time start a new day, floating dying flowers across the lake. Rain so swift, cloud won't lift, gate won't close, the railings froze. Get your mind off winter time, you ain't going nowhere. Ooh, we ride me high, tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh Lord, we're gonna fly down in the easy chair. I don't care how many letters they send. Morning came and morning went. Pick up your money and pack up your tent. You ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh Lord, we're gonna fly down in the easy chair. Buy me a flute and a gun that shoots tailgates and substitutes. Strap yourself to the tree with roots, you ain't going nowhere. Ooh, we ride me high, tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh Lord, we're gonna fly down in the easy chair. Ooh, we ride me high, tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh Lord, we're gonna fly down in the easy chair. Ouais, ça a commencé comme ça, en légèreté, folk, ou comment disait Jean-Philippe tantôt, singer-songwriter folk. Voilà, ça a commencé avec Jean Cohen Solal, qui nous faisait Raga du matin avec Serge Franklin et Marc Chantreau sur Flûte libre de 1971. Les gens le connaissent, Jean Cohen Solal, surtout parce qu'il a fait la musique des Shaddock. Il a joué de toutes sortes de trucs, des tonnes de flûtes. Il a fait de la musique rock classique, jazz, avant-garde, psychédélique, de toutes sortes. Puis africaine. Puis il s'est accoquiné là-dessus avec Serge Franklin, qui est un sitariste qui a joué, entre autres, ça, je trouve ça toujours très drôle, qui a joué avec Gilles Vigneault. J'aimerais bien savoir sur quelle pièce Gilles Vigneault avait besoin de sitar. Mais ça, nous ferons une recherche là-dessus. Nous sommes passés ensuite à Leonard Cohen, Who by Fire, sur New Skin for the Old Ceremony, de 1974. Musique appropriée pour une cérémonie. S'il en est une, et Leonard Cohen, c'est une voix vraiment marquante. Puis, c'est un être vraiment charmant. En fait, il y a beaucoup de gens ont trouvé extrêmement charmant. Et, à un moment donné, je l'ai vu dans un truc qui date des fins des années 60, où est-ce qu'il raconte quelque chose au micro. Mais en fait, il aurait facilement pu être humoriste aussi, probablement. C'est vraiment très, très drôle. Puis, c'est qui a fait des tonnes de tubes. Voilà. Duncan Brown nous faisait Waking You Part 1 sur Give Me Take You. Duncan Brown, qui est un musicien folk britannique, sur lequel j'ai pas une tonne de trucs, mais on dit qu'il était inspiré par Bob Dylan en partie, mais ça, il y en a beaucoup inspiré par Bob Dylan. Lady, c'était John Wanderling sur l'album Daybreaks de 1973. Lui, comme son nom ne l'indique pas, il est né en France, mais est allé à New York très rapidement, dans le Queens, quand il avait l'âge de 5 ans. Et il s'est produit lui-même aussi, puis c'est fort sympathique, c'est très très joli ce qu'il fait, puis on aime ça, on aime beaucoup le folk. Peut-être que les gens qui nous écoutent régulièrement ont remarqué ça. Tia Blake nous faisait Hangman sur Paris and Montreal Demos 73 et 76. C'est drôle parce qu'en fait elle n'a, semble-t-il, sorti qu'un seul album lorsqu'elle avait 18 ans. Un truc qui semble avoir marqué beaucoup de gens, des gens qui connaissent cet album, parce que évidemment c'est pas c'est pas une star mondiale. Ça fait, par contre, même si on dit que c'est pas la plus belle voix, la plus assurée, tout ça, c'est quand même extrêmement touchant, sa façon de chanter, et des gens sont frappés par ça. Michael Chapman nous faisait No Song to Sing sur Rainmaker de 68. Lui, c'est de la longue carrière. Ça fait plus de 50 ans qui fait carrière, continue à jouer à l'âge de 77 ans. Puis il a fait beaucoup de jazz, beaucoup de du folk, puis même de, du progressif et tout ça. Puis il continue à tourner, il continue à se promener un peu partout. Mais il est plus connu, je pense, pour son folk, peut-être. Mais là, je m'avance un peu, sauf qu'il est connu depuis tellement longtemps, qu'on a tellement fait. Et on a terminé avec Ludon Wainwright III, You Ain't Going Nowhere, sur l'album Years in the Making de 2018. Évidemment, le père de Rufus et de Martha, époux de Kate McGarrigle. Puis, on comprend l'influence musicale de tous ces gens-là. Quand ils font une réunion familiale, parce que ce sont des gens, même s'ils sont plus ensemble, parce qu'ils étaient plus ensemble, lui et Kate, je pense qu'ils ont continué à se voir musicalement et à faire des trucs en famille aussi avec les enfants. Puis ça devait être assez amusant, une petite soirée de famille là-bas. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour l'autre bloc? Cornelius, The High Lamas. Ah, High Lamas, ça fait longtemps, ça. Puis, bien d'autres choses. Forever Pavot. Ah, ouais, ben, allons-y, alors. absence sont mes ténèbres. On m'a dit, refaisons la paix, on parle en feu de Bengale. Quand vient l'aube, tu disparais, ne me laissant que tes sandales. Ha ha ha! respire, quoi, que ça. Joli fond sonore de Lazy Man, Mellow's Blue. Voilà. Qu'est-ce qu'on a entendu lors du dernier bloc? Cornelius d'abord, qui nous faisait Inside a Dream sur l'album Ripple Waves, pardon, de 2018. Cornelius, qui s'appelle Keigo Oyamada, qui est né à Tokyo. Puis, c'est fait, il était dans un duo qui s'appelait Flipper's Guitar. Puis, c'était un groupe qui jouait beaucoup à Shibuyake, à Tokyo. En fait, qui représente bien la scène shibuyake. Vous irez voir de quoi on parle. Il y a des quartiers animés à Tokyo. Il y en a quelques-uns. Et ce qu'il fait, en général, c'est très bon. Quand c'est pas très bon, c'est excellent. Puis quand c'est pas excellent, ça peut être exceptionnel. Alors, c'est vraiment très chouette ce qu'il fait. Il produit pas énormément. Je pense qu'il attend que ça soit bien avant de sortir ses trucs. The High Lamas nous faisait Do Wop Property sur l'album Hawaii. The High Lamas sont basés à Londres. Puis c'est Sean O'Hagan, qui est un Irlandais. Tiens, c'est drôle, c'est un guitariste irlandais. Il était dans le groupe Micro Disney. Est-ce qu'on a déjà mis ça du Micro Disney? Peut-être, me dit Jean-Philippe. Il y a le batteur Rob Allen, Marcus Holloway, puis c'est assez chouette aussi. On aime bien ce groupe. Ça faisait un petit bout de temps qu'on en avait mis, et ils sont revenus avec bonheur. Armando Trovajoli et Angelo Francesco Lavanino nous faisaient Space Center Sequence sur une compilation qui s'appelle Vintage Italian Soundtracks Crime and Jazz de 2016. Et eux, ben, ce sont deux compositeurs de musique de film, entre autres, de plein de choses, mais qui ont été fort productifs. Fort productifs, pas autant que Ennio Morricone, mais ils en ont fait pas mal. Alors les deux ont participé à plein de musiques de films, et ils se sont retrouvés à ce moment-là pour ce Space Center Sequence. Faut dire que Angelo Francesco Lavanino a écrit des musiques de Othello et de Falstaff de Orson Welles. Forever Pavo, des cigognes nénuphars sur un album qui s'appelle Rhapsode de 2014. Lui, il s'appelle Émile Sordin. Qu'est-ce que j'allais dire sur lui? Ben voilà, j'ai comme perdu mon petit bout. Ah, c'est ça, il est passé par la grunge, le metal, le garage, la pop emo, la chiptune, le hip-hop. Il a raffiné ses trucs pour faire des affaires qui sont vraiment très, très, très chouettes. Puis lui aussi, on l'aime, finalement. Ça faisait un petit bout de temps qu'on en avait mis de lui aussi. Mais on en avait déjà mis, ça, j'en suis sûr. Flavien Berger nous faisait Maddy la nuit sur l'album Contre-temps de 2018. Flavien Berger, on parle de lui comme un artiste hybride qui mélange électro et psychédélisme. Là, on était plus dans la chanson. Voilà, dans la chanson française. Pop, oui, pop. Mais il y a quelque chose avec la pop qui est intéressant, c'est que ça peut être bien fait. Et ça peut être extrêmement charmant. Et c'est le cas de Flavien Berger. Ce qu'il a fait, c'est vraiment quelque chose de très, très chouette. Puis il fait des expérimentations avec des étudiants en art. Compose des bandes originales pour des projets vidéo et des installations, tout ça. Et ce qu'on a mis de lui, j'aime ça. À quoi Serge, c'est pas tout, mais laisse ça être le nom de l'album de 2017. Eux sont assez rigolos. Alors il y a Benjamin Glibert, Manon Glibert, Julien Gasque et Julien Barbagallo. Le quintet doit son nom, ce qu'on dit dans un article de l'Observateur, de Nouvel Observateur, ou de l'Obs. C'est ça que ils sont en train d'être en tournée possiblement avec le groupe Hyper Clean, qui faisait de la pop française mélodramatique selon leur propre terme. Puis l'histoire est ainsi, il y avait une tempête sur l'autoroute, Fredo a fantasmé une histoire où les flots submergent la terre. Dans ce déluge, le groupe Aqua Serge se retrouvait dans un sous-marin qui avait la forme de la tête de Serge Gainsbourg avec ses grandes oreilles. Ce sous-marin s'en allait délivrer des intermittents qui pressaient des disques dans des usines au fond des mers. Voilà. Moi, je trouve que c'est c'est une des très, très bonnes explications pour un groupe comme ça, de trouver un nom. On parle de chaînon manquant entre Albert Marqueur et Philippe Catherine. Et dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y avait vraiment de fortes influences d'Albert Marqueur. C'est quelque chose qui s'entend vraiment très, très bien. Et si vous ne connaissez pas Albert Marqueur, allez écouter du Albert Marqueur. J'ai moins aimé les trucs plus récents que j'avais fait, mais certains trucs du début des années 80 jusqu'en 90, c'était vraiment très, très chouette. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour notre autre bloc tantôt, notre dernier bloc? Là, il y a du monde que je connais pas. Looping Jaw Harp Orchestra, Exploded View, Kikagaku Moyo, Beak, eux, on les connaît, Viagra Boys, c'est un très joli nom. Et ça se termine avec les, comme je disais au tout début de l'émission, les Mammutones. Les Mammutones qui font Show Me. Et je ne les connais pas du tout. Jean-Philippe, les connaissais-tu avant cette semaine? Oui, OK, parce que l'album date de 2018. D'ailleurs, là, on n'est plus du tout dans le folk des années 60-70. on a un vieux truc de 2009, vous voyez, puis le reste, c'est du 2018. Ce qui dit que Jean-Philippe est allé voir plein de trucs récemment. Donc, on va avoir plein de nouvelles choses. Et voilà, c'est ça. Allons-y. And we Philippe s'est vraiment forcé pour les fonds sonores aujourd'hui. Ouais, ça c'est une version de Lucy in the Sky with Diamonds avec lui. Ouais, travaillé. Si on va dire que c'est travaillé. Odd Bands, c'est une chanson, une pièce, pardon, de Looping Jaw Harp Orchestra sur l'album Elephant Road de 2009. Et eux sont assez drôles. Il n'y a pas de guitare. Je pense qu'ils interdisent la guitare, mais il y a beaucoup de choses dans leur dans leur orchestre, plein de vents, des sax barytons, ténors, de la trompette, et plein de flûtes, de steel drums, un paquet d'affaires. Ils viennent de Vienne en Autriche, puis c'est vraiment vraiment très très bon. Puis je les connaissais pas du tout. Vous pourrez aller voir sur leur page, sur Overtone Music Network, où est-ce que j'ai vu le truc le plus complet. Puis c'est le fun. Il y a de la guimbarde aussi, toutes sortes de trucs comme ça. C'est vraiment très très bon. Exploded View nous faisait Raven Raven sur l'album OB de 2018. Voilà, Exploded View, en fait, c'est Annika avec ses amis Martin Tullin, Hugo Quezada. Et il y en a un autre aussi que je ne vois pas là. Voilà, oui, je l'ai ici. Amon Melgarejo. Puis, Annika, à un moment donné, est allée faire un truc au Mexique. Elle est tombée sur ce gars-là qui l'accompagnait pour ses prestations là-bas. Puis, ils ont fondé un groupe. Tout simplement. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Ils se sont entendus, ça a cliqué et ils font de la musique ensemble. Kikagaku Moyo nous faisait Nana sur l'album Masana Temples de 2018. Où es-tu? Kikagaku Moyo. On s'en doute un peu, ce sont des Japonais qui viennent de Tokyo. J'aimerais savoir, comme ça, par simple curiosité, combien il peut bien y avoir de groupes de musique à Tokyo. Eux, ils se sont rencontrés, en fait, ils faisaient de la musique de rue, je crois, puis ils ont rencontré un des gars qui enregistrait des trucs de ventilation pour un truc de noise, puis ils sont tous au monde, s'est rencontrés et ont décidé de faire de la musique ensemble depuis 2012. Puis c'est très chouette aussi, on est content de les connaître. Beak, ah ben là, Beak, l'album RSI de 2018. En fait, c'est comme il y a trois becs. Trois becs 2018. Beak, ben évidemment, il y a Geoff Barrow. C'est comme ça que ça s'est passé. C'était la fête de Noël de son label. C'est ça, de son. Ben, voyons, je cherche. Oui, voilà. Disons, Geoff Barrow de sa compagnie disque, qui est membre de Portishead, puis Massive, un type qui est en Massive Attack, puis un autre dans Team Brick et Fair Arms, puis depuis, ils ont travaillé avec Annika aussi, puis c'est très chouette, Beak. Viagra Boys, c'est vraiment très bon, Viagra Boys, nous faisait Sports sur l'album Street Worms de 2018. Et on a terminé avec Mammutons qui nous faisait Show Me sur Fear of the Corner de 2018. Eux, ce sont des Italiens et ils tirent leur nom d'un carnaval qui se passe en Sardaigne. Puis c'est drôle parce qu'on dit que c'est le carnaval le plus caractéristique, le plus ancien de l'île, ce qui me fait penser qu'il y en a des moins caractéristiques et des moins anciens. Puis c'est sur des gens qui avancent masqués dans la ville, dans la ville de Mamoyada. Ils avancent masqués dans la ville. Ils sont deux types. Il y a les Iso Adores et les Mammutones, ou Mammutones, ou les Iso Adores. Je ne sais pas comment ils le prononcent. Puis ils se promènent, puis ils capturent des gens avec au lasso, puis ça leur porte bonheur aux gens capturés, et pas nécessairement à ceux qui capturent. Puis ils sont invités à aller ensuite chez les propriétaires pour fêter dans la joie, tout ça. Et là, pour terminer, Benoît Arcand est arrivé, donc on sait qu'on va avoir Terrain Vague dans quelques instants. Et moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, à la semaine prochaine.